Comment expliquer tout ça? Attendez, je vérifie. Il n'y a aucun symptôme d'un changement dangereux de son métaphysique. Le dosage est très normal. Il n'y a rien d'anormal non plus ni dans les résultats du cardiogramme et du scanner. Mais nous avons déjà vu ça.